De ton filet, sans poisson, mille poissons, sans mille poissons, de ton filet. De ton filet, sans poisson, mille poissons, sans mille poissons, de ton filet. Vois comme il frétille, vois comme il scintille au soleil nouveau. Vois les gens du village partir à la nage, les tirer de l'eau. De ton filet, sans poisson, mille poissons, sans mille poissons, de ton filet. Vois ces gens qui s'apprêtent à faire une fête sur ton vieux bateau. Vois la flamme qui flambe autour de leurs jambes. Vois comme ils sont beaux. De ton filet, sans poisson, mille poissons, sans mille poissons, de ton filet.